Chapitre 24. Une alarme. Claude et Perrine se hâtaient dans le chemin creux. La plaine, les collines noyées d'ombre, paraissent infinies d'une sonorité de caverne. La voix de la rivière roulant monotone entre ses épaisses bordures d'arbres s'élevait ainsi qu'une lamentation. Ils marchaient vite, de plus en plus, tels que des bêtes pourchassées. Bientôt apparurent les jardins aux murs pâles, les enclos parfumés de vergers et de treilles. Plus loin, la grande route blanche se montra, le vaste faubourg déjà au repos. Les jeunes époux eurent l'émotion d'une humanité bonne qui leur accorderait secours. « Tu n'as pas froid, Perrine ?»« Non, ne ralentissons pas, mon oncle serait couché !» Les becs de gaz, de loin en loin, éclairaient les façades difformes, aux innombrables fenêtres, aux petites portes barricadées. Sur le vaste planol, rien que l'ombre qui grouillait au milieu, honta comme des meules de moisson, tandis qu'au long des cafés flambaient d'or fauve les lustres. Tout en haut resplendissait la nuit pleine d'étoiles. Le clocher obscur, pareil à un phare mort, érigeait du flot inégal des toitures son bloc de pierre carrée. Déjà, la rue Saint-Jean, étroite, profonde, dormait. Pécaïre, les braves camarades du moulin jouissaient dans leur lit d'une sécurité parfaite sous le toit séculaire où règne un doux silence de tombeau. Pas un bruit, pas un frisson, c'était la solitude, de même que là-haut dans l'espace. Cependant, au bout de quelques minutes, Claude et Perrine distinguèrent, au bout de la rue, en face de l'église, le cliquetis de la gâchette d'un portail, le pas sournois d'une ombre qui épiait de tous côtés, puis jetait une ordure dans le ruisseau. De nouveau, la disparition furtive de l'ombre, le cliquetis de la gâchette du portail. À la maison des Guitoux, ils s'approchèrent lentement, et toc, toc, ce fut Perrine qui appela son oncle. Celui-ci, sans doute, la reconnaîtrait tout de suite, puisqu'il couchait sur la rue. « Toc, toc !» Perrine appela de plus en plus fort. Rien ne bougeait, la rue semblait sans écho. Alors elle cria, et Claude lui-même, sans ménagement, « mon oncle, c'est nous autres !» Leurs voix s'élevaient, ardentes et obstinées, dans la solitude. Rien ne bougeait. Ils frappèrent alors contre les volets de la boutique. « Mon oncle ! Mon oncle !» Une fenêtre grinça, presque en face, chez Soulayrolles. Soulayrolles, le frileux, aventura sa tête à peine en grommelant contre ses tapageurs qui l'empêchaient, au milieu de la nuit, d'écrire ses poèmes et ses chansons. D'autres fenêtres grincèrent. Les voisins entr'ouvraient l'un après l'autre leurs volets, avec la frénésie de voir sans être vus, et avec tant de précautions que nul ne savait au juste où retentissaient les cris d'appel, les coups de poing. « Mon oncle !»« Quel oncle ?» C'était peut-être de la jeunesse qui s'amusait à réveiller le monde, et si le quartier se laissait prendre au jeu, elle reviendrait tous les soirs s'amuser. Peu à peu, les têtes s'enhardissaient. Des bonnettes blanches à pompons, des coiffes à longues brides, des foulards roulés en turban. Les curieux, émergeant davantage de leurs fenêtres, se recouvraient précipitamment des habits du dimanche, empaquetés tout à l'heure sur des chaises. Perrine et Claude appelaient toujours, frappaient si fort qu'ils ne remarquaient point les rumeurs du voisinage. Campal fut le premier à reconnaître la voix claire de Perrine, et, grelottant de froid, bien qu'un tablier de rosette abritât ses épaules, il donna l'alarme. « Ouais, c'est le moulin !» La rue Saint-Jean, du coup, fut en émoi. Les volets claquèrent, s'abattirent contre les murs. Tout le monde apparut au balcon, aux croisées. « C'est donc vous, Claude, Perrine ?»« Parbleu, oui, c'est eux. Qu'est-ce qui arrive? Le moulin brûle ?» Campal lâcha une plaisanterie. « Est-ce que Santou est là aussi, avec son jacounel qui a avalé la lune ?» Les jeunes époux, un moment déconcertés, se turent. Ils étaient le spectacle du quartier, demain ils seraient la fable de la ville entière. « Eh bé !» s'impatienta Soulayrolles, « nous sommes tous debout, votre oncle seul n'a pas le courage de se lever. Cognez donc, et dur !» Perrine et Claude frappèrent avec de gros cailloux, à tour de bras, furieusement. Ce fut un vacarme épouvantable, une telle rage de bruit et de supplications qu'on n'entendit pas sonner 11 heures au clocher. Le cordonnier, enfin, ouvrit sa fenêtre et apparut. Il se pencha tout en rechignant. « Eh bien, on ne peut donc pas vous laisser dormir dans cette rue ?»« C'est nous, mon oncle !»« Quoi ? Qui est là-bas, canaille ?» La tête enveloppée d'un capuchon, il se penchait davantage. « C'est nous, mon oncle !»« Ah, t'es, d'où vous venez ? Jérôme aussi, il est là-bas ?» Le pauvre Guitou bâillait, se frottait les yeux, n'ayant plus souvenance des misères du moulin, ni surtout des solennelles promesses qu'il avait faites aux enfants de Jérôme. « Jérôme, lui dit Claude, est à Roquemengarde. » Jérôme aurait tout simplement raconté la querelle de famille si Perrine, plus prudente, ne l'eût contenue. « Tais-toi, le quartier nous écoute !»« Quoi, quoi ?» bredouilla Guitou, qui serrait son capuchon sur les oreilles. « Que dites-vous ? Que voulez-vous ? Vous ne comprenez pas ? Eh bien, Jérôme nous a jetés dehors. Nous sommes venus ici. »« Eh bien, je crois, ça n'a pas été long. Attendez-moi. » Guitou referma doucement ses volets, tandis qu'à leur fenêtre, les voisins observaient un tel recueillement qu'on entendit bientôt ses gros pas dans l'étroit escalier au fond de la maison. Campan ne pouvait demeurer si longtemps sans parler. Fabarotte, la tête dans un cache-nez, le corps dans une sorte de manteau de chartreux, habituel aux hommes de son âge, se présenta sur son balcon ainsi qu'un prêtre en sa chaire, et Campan l'interpella. Hé, Fabarotte, il s'agit de Jérôme, pardi. Peut-être il vient taquiner son frère. Si nous allions nous rendre compte. Non pas, fichtre. S'il y avait une bataille, nous serions mandés en témoignage à la justice et j'en ai assez de comparaître devant M. Crax. Leur voix, dans la nuit légère, au gai murmure du ruisseau, sonnait si clair qu'on les entendait jusque de l'église. Soulérol leur cria. « Ce n'est pas Jérôme, c'est sa fille. La pauvre, je le savais bien qu'on ne peut pas vivre dans la société de Jérôme. N'est-ce pas, Durante ?» Soulérol riait et tous avec lui, car Durante apparaissait à son balcon, énorme et blanche, en jupon et en caraco, une bougie à la main. D'ailleurs, au lieu de se fâcher, elle se mit à rire à grands éclats, heureuse de se montrer devant Boispeau en son déshabillé de riche demoiselle. Seulement, le boulanger pétrissait sa pâte dans le fournil, derrière les murailles du four, et certes, il ne se doutait pas du fracas de son quartier. Les garrigues, à leur fenêtre, se poussaient l'un contre l'autre afin d'assister au mouvement de la rue, au commérage de tant de monde. Effarés, ils interrogèrent Durante, puis Campal et Fabarotte. « Est-ce qu'il y a des voleurs ? C'est le moulin ? Ah ! Et donc, qu'est-ce qui arrive ?»« Rien, répondit Cantal. Claude et Perrine qui vont faire divorce. »« Pas possible !» La main de Durante trembla si fort d'émotion que la bougie faillit s'éteindre. Là-bas, Guitou ouvrait sa boutique. Rouge de peur et de honte, il accueillait ses neveux en maugréant. « Eh bien, ça y est, pour toujours, Jérôme reste donc seul avec l'argent de tous ses amis ?» « Oui, Pécaïre. Luc, où est-il ? Allons, entrez vite. Quant à mon fils, depuis qu'il est fiancé, il dort si bien qu'un boulet de canon ne le réveillerait pas. » Les jeunes époux entrèrent et, précipitamment, Guitou barricada sa boutique. Les voisins, désappointés, patientèrent un long moment dans l'espoir que Jérôme surviendrait du moulin ou encore sans tout. Les hirondelles babillaient sous les larmiers, le ruisseau parlait seul dans l'ombre, sur les pavés. Tout de même, dans le silence, on entendit la voix furieuse de Rosette qui, de son lit, injuriait ce drôle de Campal. « Oui, grand emplâtre, m'empêcheras-tu de dormir jusqu'à demain matin ? Dis, tu vas laisser la fenêtre ouverte pour que je prenne mal ? Et va te promener sur le planol que je m'en moque !» Campal fut tellement secoué qu'il se retira de sa croisée, disant aux camarades « Demain, nous apprendrons l'histoire. À présent, on ne peut rien savoir. Tout de même, Comment coucheront-ils chez leur oncle, ces deux enfants ? Sur des chaises, comme des poulettes. Tous, l'un après l'autre, se refermèrent. Les Garrigues grommelaient entre eux, prédisant de vrais malheurs aux Guitoux.